Tous les humains sont des cas psychiques. La différence des cas psychiques, c'est les cas psychiques, tous les humains développent un psychisme. Celui-ci peut devenir plus ou moins conscient par rapport aux soucis de soi et des autres. Les psychismes de ceux que l'on dit psychiques différents sont des psychismes qui sont développés et mis en évidence. Alors que souvent, les psychiques des autres ont un psychisme aussi, mais restent inconscients ou ne s'expriment pas à l'état officiellement déclaré psychique cas différent. Radio Différence, l'émission de diversité psychique. Le thème d'aujourd'hui, c'est le travail. Participent à cette émission Colette, Julie, Christian, Rémi et André. Christian, le travail sert à développer le corps et l'esprit, à s'occuper et à passer le temps, à s'enrichir. Ça sert aussi à se communiquer pour vivre ensemble. Le travail aussi commence à faire des activités de tous les jours. Le travail, c'est aussi la santé. C'est aussi un besoin, une nécessité. Le travail est aussi une richesse. On a tous besoin de travailler pour subvenir à ses besoins. Le travail est avant tout aussi une démocratie. Bonjour, je m'appelle Rémi. Je vais vous parler de la conception du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Pour la société, le travail, c'est pas la même signification que le travail pour chacun d'entre nous. Un travail, au niveau ce qui nous a été enseigné à l'école, c'est une activité qui demande un effort. Ce travail produit de la chaleur, fait fonctionner des mécaniques, en mécanique auto, développe un travail. Le travail, c'est une activité en société qui est utile et même indispensable. On imagine mal une société où d'un coup tout le monde s'arrête de travailler. Bien sûr, il y a des grèves. C'est une question qui est juste, mais on s'imagine mal une société où tout d'un coup tout le monde s'arrête de travailler, la grève générale. En 68, en 71, je sais pas si j'étais petit à l'époque. La grève générale, si elle perdurait, ça provoquerait des désordres immenses dans la société. Il y aurait des problèmes d'alimentation, des problèmes de circulation. Enfin, j'allais dire des désordres, c'est pas tellement le mot, parce que l'ordre, c'est peut-être encore du trop bien rangé. Il faut que les choses soient un peu libres de fonctionner comme on l'entend. Chacun a son opinion, sa notion de travail. Je pourrais peut-être vous parler de mes activités. C'est pas forcément mon problème à moi qui intéresse les auditeurs. Ici, nous sommes rassemblés avec des personnes qui travaillent. Pour moi, elles travaillent, même si je veux pas contredire ceux qui disent qu'ils travaillent pas, parce que ils se réfèrent pas à la notion de travail. Alors, comment son travail en physique, c'est-à-dire qu'il dépense de l'énergie. Quand on travaille, c'est l'entropie, c'est l'entropie du système, la négentropie qui lutte contre les fatigues. La négentropie, c'est un terme physique qui veut dire que, en principe, tout système très organisé va vers un désordre. L'entropie, c'est justement la force qui produit un ordre. Pour gagner de l'entropie, il faut absolument qu'il y ait un travail qui se fait et qui provoque une perte de force et le vieillissement. Si nous travaillons, nous vieillissons. C'est sûr que si nous travaillons pas, la société travaillante provoquer un vieillissement. On peut en parler pour les travailleurs sociaux qui font des travaux avec des pénibilités assez importantes. Ces travailleurs sociaux devraient être compensés parce qu'ils font des labeurs qui sont beaucoup plus intenses que certains labeurs qui demandent moins d'énergie physique. Encore que le travail intellectuel, disons, que le travail intellectuel demande beaucoup d'énergie au niveau cérébral, par exemple pour écrire, pour écrire de la poésie, pour être créatif, il faut non seulement travailler beaucoup, mais dépenser beaucoup d'énergie. Et cette énergie, c'est un travail. Quand on dit que c'est un travail, on peut dire aussi que c'est pas un travail, c'est la contre-thèse. La contre-thèse, c'est dire, on aime notre travail, ceux qui ont la chance d'aimer leurs travaux sont contents, nous espérons que dans l'avenir, on arrivera à construire une société où les gens seront bien adaptés à la juste place de leur travail. Quant à nous, on est plus ou moins bancal par rapport à cette notion et on arrive à se débrouiller les uns les autres avec chacun notre conception. Et on arrive à s'entendre mutuellement pour communiquer nos expériences personnelles. Personnel, ici il n'en est pas question parce que c'est pas le propos. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une chance que je ne dirais pas. C'est pas une question d'indiscibilité, mais c'est une question de vie privée. Le mot d'ordre, c'est le travail. C'est un certain sens. L'élévation de l'esprit humain vers au niveau de l'évolution de passage de l'animalité à l'humanité, encore que les instincts animaux sont encore en nous. On vient du monde animal, dans la biologie animale et la biologie humaine sont un peu similaires. On étudie la physiologie animale à la faculté des sciences, alors que en médecine on étudie la biologie humaine, alors que on a un foie comme un chat a un foie. La notion de travail, c'est Zola disait la bête humaine, vous savez, la locomotive, la bête humaine. Beaucoup d'hommes ont souffert pour travailler. Dans l'Antiquité, il y avait les grandes découvertes. Depuis un siècle ou deux, 85%, 90% des découvertes techniques ont été réalisées par des travaux. Et c'est ainsi que le progrès, on peut l'imaginer, arrivera à le progrès humain avec l'écologie. Pas une régression du travail, une juste répartition des travaux, des nouvelles découvertes qui viendront se substituer et améliorer le sort de chacun, pourront nous permettre de mieux vivre nos vies, parce que actuellement, avec les problèmes de la crise, des bouleversements se font, et certaines personnes qui sont très pessimistes, d'autres sont assez optimistes en disant qu'il va y avoir une prise de conscience assez phénoménale, parce que il est grand temps que on donne un peu de changement à ces sociétés qui était en 1981 au début d'une transformation et d'une élaboration intellectuelle très féconde pour les générations qui avaient 20-25 ans, qui ont 50-60 ans maintenant, d'autres sont plus jeunes. On essaye de participer au niveau économique, il faut que la relève se fasse avec les plus anciens. Il faut que les anciens nous donnent notre chance à nous de nous intégrer à notre place et à notre juste valeur d'homme au sens humain. Le travail doit rester humain. Il l'est pour beaucoup. Beaucoup dans notre société encore, il y reste encore une tâche, un effort physique à réaliser. Donc on peut que espérer, même avec les machines modernes, le temps a fait reculer le temps d'effort physique et de la pénibilité. On peut espérer un meilleur avenir en considérant que le travail, chacun doit pouvoir trouver sa place avec les personnes toutes compétentes, de plus en plus compétentes, travailleuses, travailleuses avec leur leur métier, leur profession, c'est pas le métier, le travail manuel, profession plus cérébralisée, ces métiers, ces professions doivent s'unir pour qu'il y ait une moindre d'évaluation des travaux manuels. Il faudra en revenir plus tard, peut-être avec l'écologie, aux travaux manuels, que beaucoup fassent des travaux manuels rémunérés, des travaux manuels simples. Voilà, je vous quitte, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la coordinatrice de Radio Différence et je suis avec André qui va nous parler du travail. Donc André, raconte-nous du travail. Est-ce que tu étais heureux de travailler avant? Eh bien, moi, à mon travail à France Télécom, je n'arrivais pas vraiment à m'intégrer, à discuter avec les collègues. Les collègues me trouvaient sans doute bizarre, pas comme eux ou comme elles. Donc j'étais un peu isolé, ce qui facilitait pas l'intégration ni le travail. Et depuis février 92, le psychiatre m'a dit que je n'avais pas besoin de travailler et que je pouvais aller m'occuper de mon jardin. Donc depuis cette date-là, je suis dans mon jardin, je m'occupe de culture, d'activités culturelles, d'écriture, de lecture, de poésie, de rencontres d'autres personnes inactives, mais néanmoins respectables. Et voilà, maintenant, j'en suis à un travail d'expression pour m'exprimer dans le cadre de cette radio. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche, jour de repos. Eh bien, je suis en ce moment séquestré par Julie, qui veut me forcer à travailler, à m'exprimer, à parler sur le travail. Même si je n'ai rien à dire, même si je ne sais pas quoi dire, eh bien, je trouve ça inadmissible. Et c'est pour la raison pour laquelle je lance un appel au secours pour qu'on vienne me délivrer. Parce que je ne veux plus travailler, je suis bien sans travailler, je me repose. Et puis, je n'ai rien d'autre à déclarer. Est-ce que tu penses que c'est bien de pas travailler? Est-ce que toi, tu t'ennuies pas quand tu travailles pas? Tu t'éclates? Tu fais quoi? Eh bien, quand je ne travaille pas, je médite. Je médite, je pense, j'écris, je discute avec des gens, je conteste, je plaisante, je m'amuse, je m'ennuie. Mais c'est agréable de s'ennuyer. C'est plus agréable de s'ennuyer que de faire un travail pénible qui ne nous intéresse pas. Alors finalement, oui, je suis content de pas travailler. Puisqu'on me donne une pension d'invalidité, j'ai suffisamment d'argent en ce moment, et puis mes parents qui sont disparus, eux, ils ont beaucoup travaillé dans leur vie et ils ont gagné beaucoup d'argent et ils m'en ont donné une partie. Donc, je profite du travail passé fait par mon père, qui n'était pas, comme moi, un glandeur. Lui, au moins, c'était un brave et honnête travailleur, tandis que moi... Je ne pense qu'à rêver, à faire de la poésie et des plaisanteries, même pas drôles. Bien que ça soit aussi un travail d'essayer de faire rire les autres. Le travail d'humoriste. c'est du boulot. Et on n'y arrive pas toujours. Bonjour, c'est encore moi, André, et je vais cuisiner Julie pour lui demander qu'est-ce que c'est que le travail pour elle, quels sont ses rêves dans le cadre du travail, quel est son objectif dans la vie, que veut-elle faire de sa vie comme travail et puis pour le reste. Donc, moi, le travail, en fait, j'ai du mal avec le travail parce que je me fais virer de tous mes boulots tout au bout de 3 mois. Puis là, le dernier, j'ai tenu 15 jours, je crois. Puis après, ils m'ont dit qu'ils allaient me virer, donc je suis pas très bonne, pas très douée au niveau travail. Et sinon, comme travail, bah, je sais pas quoi faire. En fait, là, j'étudie un L3 art plastique. Et donc, j'aimerais bien peut-être éventuellement bosser dans l'art plastique. En fait, le travail que je voulais faire avant de péter un plomb, c'était art thérapeute. Mais là, ils m'ont dit, bah, si vous avez la dysharmonie évolutive, vous avez un truc psychotique, vous allez sûrement pas pouvoir être art thérapeute avec d'autres fous, quoi. Donc, c'était un peu un déprime que je puisse pas faire le travail de mes rêves à côté de mes problèmes psy, quoi. Oui, mais là, tu animes une émission de radio, c'est déjà un travail. Ça concerne l'expression, la communication. Est-ce que c'est une voie que tu penses suivre prochainement et à quoi ça peut te mener? Bah en fait, c'est vrai que la radiodifférence, c'est un travail quasiment à plein temps parce que faut absolument que faut harceler les CATTP, les autres institutions de santé mentale pour qu'elles nous envoient du monde. Donc ça, c'est un travail à plein temps de les harceler pour qu'elles nous envoient du monde. Pour qu'on puisse présenter le projet sur les lieux de soins et tout ça. Et en plus, j'ai envie de faire d'autres projets culturels avec des gens en difficulté, en fait. Voilà. Et est-ce que tu penses que cette activité de radio et ces autres projets culturels, ça peut être, par la même occasion, thérapeutique, c'est-à-dire et aider les gens à se sentir mieux en s'exprimant et bref, à améliorer leur santé. Voilà, la radio, c'est thérapeutique, donc c'est thérapeutique pour les gens qui la font. C'est thérapeutique pour la société, parce qu'après, les gens normaux qui vont écouter cette radio, l'idée, c'est qu'ils sortent de l'émission de radio en ayant une vision moins mauvaise des gens qui ont des problèmes psychiques, quoi. Ils pensent qu'ils voient qu'on est des gens normaux. Et c'est thérapeutique pour moi aussi, parce que ça me fait faire des activités, et puis ça m'aide à faire avec la folie, quoi. Très bien. Écoutez, Julie, je vous remercie pour ces affirmations incontournables.